L'ambassadeur coréen Kim Myung-si a présenté le 14 courant les lettres de créance au président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il lui a transmis les salutations du dirigeant suprême Kim Jong-un et du président du présidium de l'Assemblée populaire suprême Kim Yong-nam. Le président gabonais en a exprimé ses profondes gratitudes. Il a prié de transmettre à Kim Jong-un ses salutations cordiales. Il a indiqué que les relations bilatérales d'amitié et de coopération de longue histoire se sont développées grâce à la grande attention des dirigeants des deux pays. Et il a souhaité le développement des échanges et de coopération avec la Corée dans divers domaines comme la politique, l'économie et la culture, quelle que soit la situation, et a souligné de dispenser les efforts à cette fin.